ne peux pas dire que je suis particulièrement emballé par la science. En vérité, je ne l'ai jamais été. C'est-à-dire que je n'ai jamais suivi d'études scientifiques, ni même fait d'expérience. Mais quand j'étais jeune, j'adorais observer le fonctionnement des machines. Un postulat surprenant de la part de celui que l'on appelle le père de la science-fiction. Mais Jules Verne était-il vraiment un auteur de science-fiction, peut-être d'anticipation? Quelle est la nature de l'univers littéraire fantastique qu'il déploie, entre autres, à travers ses voyages extraordinaires? Et quelle en est la postérité? Jules Verne, voyage au centre de la science, c'est le beau programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous accompagner dans ce voyage littéraire extraordinaire et barrer ce nautilus radiophonique, nos capitaines Nemo du jour sont Laurence Sudray, bonjour. Bonjour. Moins ombrageuse que le capitaine Nemo, néanmoins professeur de lettres, secrétaire général du conseil d'administration de la société Jules Verne de Paris. Bonjour Jacques Crovisier. Bonjour. Vous êtes astronome retraité du LESIA de l'Observatoire de Paris et lui est bien ombrageux et terrifiant, c'est le camarade François Angelier, bonjour. Eh oui, bonjour. Producteur de la non moindre ombrageuse émission Mauvais Genre tous les samedis à 22h sur France Culture et auteur du dictionnaire Jules Verne, c'est édité chez Pygmalion. Et c'est épuisé. Et c'est épuisé. Eh bien, on en trouvera sur des sites de revente sur Internet, ça s'arrache, ça se passe sous le manteau. C'est ce qu'on m'a dit. Il paraît qu'il y a même ça des auteurs dédicacés du sang de l'auteur. Mais avant de plonger dans l'œuvre du maître, elle fait chaque semaine le tour du monde des sciences en 80 fois 9 secondes, j'ai calculé. C'est 12 minutes à peu près, c'est OSFS pour le journal des sciences. Le journal des sciences. Et on consacre notre premier sujet, eh bien, un sujet que n'aurait pas renié Jules Verne, c'est l'énergie renouvelable marine. Alors que la première éolienne flottante française va être installée dans la baie du Croisic, une équipe de chercheurs français vient de publier des résultats prometteurs pour exploiter une autre forme d'énergie moins connue, l'énergie osmotique. Oui, pourquoi on en parle? Parce que la France dispose du deuxième domaine océanique au monde, mais qu'elle exploite très peu ces énergies marines renouvelables dont on attend beaucoup. Elle accuse notamment un énorme retard sur l'éolien offshore posé, c'est la seule technologie qui est aujourd'hui opérationnel, avec néanmoins trois projets qui devraient être mis en service d'ici 2021. Deux autres technologies sont au stade du prototype. Il y a donc l'éolienne flottante avec le premier prototype français, Floatgen, qui a embarqué hier pour être amarré au large du Croisic, c'est en Loire-Atlantique. Autre énergie, celle des courants, l'exploitation des courants sous-marins et des fleuves, c'est l'hydrolien, plusieurs projets de fermes qui existent en France. Mais reste au moins deux autres types d'énergie fournis par l'eau que l'on ne parvient toujours pas à capter, en tout cas aujourd'hui, comme l'explique Jean-Louis Ball, c'est le président du syndicat des énergies renouvelables. Alors, il y a donc une autre source d'énergie renouvelable qui est l'énergie osmotique. En fait, c'est l'attraction de l'eau salée vis-à-vis de l'eau douce donc, qui arrive des fleuves. Donc, quand on mélange de l'eau salée et de l'eau douce, il y a donc une attraction entre les deux eaux. Et ça représente une énergie absolument considérable, puisque c'est l'équivalent d'une chute de 270 mètres de haut. Donc, on voit bien qu'il y a une énergie considérable. Maintenant, comment capter cette énergie? C'est la grande question. On peut le faire probablement au travers de membranes, hein, qui vont essayer d'exploiter cette différence de pression entre l'eau salée et l'eau douce. Et ça fait donc l'objet de recherches. Mais aujourd'hui, on n'en est pas encore plus loin que le niveau de la recherche. Il n'y a pas de prototype, de ferme pilote, comme c'est le cas donc dans l'hydrolien ou l'éolien flottant. Une autre source d'énergie possible, c'est celle des vagues de la houle. Et là, on en est un peu plus loin que pour l'énergie osmotique. Là, on en est à avoir toute une série de prototypes, mais il n'y a encore aucune technologie qui a aujourd'hui démontré qu'elle pouvait s'imposer. Donc on en est encore là aussi au niveau de la recherche et développement. Et cette semaine, une équipe française publie des résultats encourageants pour exploiter cette fameuse énergie osmotique, Zoé, avec une technologie tout à fait différente de celle des membranes qui étaient privilégiées jusqu'ici. Oui, puisque pour capter cette énergie libre qui se perd quand l'eau salée rencontre de l'eau moins salée, plusieurs chercheurs travaillent, donc on l'a dit, sur des membranes capables donc de laisser passer l'eau mais de capter cette énergie née du mélange, sans grand succès jusqu'ici. Mais d'autres chercheurs ont imaginé un système qui n'a rien à voir. Et une équipe française qui travaille sur le stockage de l'énergie et ses modélisations vient de publié dans Physical Review des travaux prometteurs destinés à améliorer cette technique. Cette technique, eh bien, c'est le principal auteur de ces travaux, Benjamin Rothenberg, spécialisé en physico-chimie et chargé de recherche au CNRS, qui a essayé de m'expliquer. Le procédé sur lequel on travaille repose non pas sur le passage d'un écoulement à travers une membrane, mais au stockage de l'électricité dans des condensateurs. Les condensateurs, ce sont des dispositifs de stockage de l'électricité, donc ils vont être reliés à un circuit électrique dans lequel vont circuler des électrons. Et pour que ce courant électrique puisse circuler, il faut qu'on ferme le circuit, entre guillemets, par un courant ionique, donc avec une solution liquide, dans laquelle baignent les électrodes qui servent à stocker la charge. Maintenant, on va pouvoir stocker plus ou moins de charge dans l'électrode en fonction de ce qu'il y a dans la solution dans laquelle elle baigne. Et plus la solution est salée, plus ça va être facile de stocker de la charge dans le condensateur. Et c'est là qu'on peut voir se profiler cette technologie, c'est que si on va pouvoir charger le condensateur en utilisant de l'eau salée comme électrolyte. La deuxième étape du procédé consiste à remplacer l'eau salée par de l'eau qui l'est moins et à décharger notre condensateur en présence de cette eau qui est moins salée. Alors là, on peut se dire qu'on n'a pas gagné grand-chose, mais en fait, on va récupérer plus d'énergie au moment où on décharge qu'au moment où on charge. Et donc, en faisant des cycles où on charge avec l'eau salée et on décharge avec de l'eau moins salée, on va au final pouvoir extraire de l'énergie. En bref, une équipe française parvient à décrypter le génome du rosier pour la première fois. Ces travaux publiés dans Nature Genetics cette semaine ont permis de retracer les contributions respectives des rosiers européens et chinois au génome du rosier moderne et d'identifier l'ensemble des gènes qui sont impliqués dans les voies de biosynthèse du parfum et de la couleur de la rose. La comparaison de ce génome du genre rosa avec ceux d'autres plantes de la famille des rosacées, comme par exemple le fraisier ou le framboisier ou le pommier, a aussi montré que le rosier, le fraisier et le framboisier sont évolutivement très proches, plus proches qu'on ne le pensait. La pollution touche 9 personnes sur 10 dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et elle tue 7 millions de personnes par an dans le monde, soit plus que les accidents de la route, le sida, le diabète et la tuberculose cumulés. Pour obtenir ces chiffres, pour la première fois, l'OMS a recueilli les données de plus de 4300 villes dans 108 pays. Et ce qui inquiète le plus l'Organisation mondiale de la santé, c'est la pollution de l'air intérieur qui a entraîné le décès de 3 800 000 décès l'année dernière. Un phénomène qui touche essentiellement les pays à revenus faible ou intermédiaire. Et à partir de demain, la France va vivre au-dessus de ses moyens écologiques. C'est le fameux jour du dépassement, ce qui signifie que si le monde entier vivait comme les Français, à partir du 5 mai, la planète aurait déjà consommé l'ensemble des ressources naturelles qu'elle peut renouveler en un an. Selon ce rapport annuel que produit la WWF, la France fait partie des 10 premiers pays à vivre à crédit cette année sur le dos de la nature, derrière le Qatar, les États-Unis ou la Russie, mais bien avant l'Espagne ou le Maroc, par exemple. Et on consacre notre deuxième sujet de la semaine à cette étude qui montre pour la première fois que les amphibiens sont victimes des perturbateurs endocriniens. C'est une étude importante car elle permet de mieux comprendre l'effondrement dont est victime cette espèce, les amphibiens, depuis les années 80. La famille des grenouilles, crapauds et tritons ne va pas bien du tout. Son taux d'extinction est 211 fois plus élevé que celui de toute autre espèce. Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. La diminution des surfaces de zones humides, l'apparition d'espèces invasives comme le grenouille taureau qui fait des ravages en France et l'acidification des eaux douces. Mais il n'y avait pas en revanche de consensus scientifique pour expliquer, en tout cas sur le rôle que peuvent jouer la pollution environnementale avec notamment les perturbateurs endocriniens. Et bien l'équipe de Stéphane Reynaud, chercheur au laboratoire d'écologie alpine de Grenoble, notamment au CNRS, qui publie ses résultats cette semaine dans PNAS et qui est parvenu à démontrer pour la première fois que ces perturbateurs endocriniens, ils ont des conséquences directes sur les xénotopes qui font partie de la famille des amphibiens. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi deux perturbateurs endocriniens qui sont récurrents dans les eaux de surface. Un perturbateur endocrinien historique, qui est un hydrocarbure aromatique polycyclique, donc qui est produit par des feux de forêt, la combustion des matières organiques, par exemple les voitures. Donc c'est le benzoapyrène. Et puis un polluant qui est plus émergent, qui est actuellement sur la sellette comme perturbateur endocrinien, qui est le triclosan, qui est une molécule qu'on retrouve dans tous les produits de soins parce que c'est un antibactérien. Donc on a exposé nos xénomes du stade tétard 2 jours jusqu'au stade adulte mature à des concentrations de perturbateurs endocriniens qu'on retrouve dans l'environnement. Et puis ces concentrations, elles sont très proches des concentrations maximales tolérées par l'OMS dans votre boisson. Les xénopes à l'âge adulte présentent ce qu'on appelle une intolérance au glucose. Bah vous, quand vous mangez quelque chose, votre glucose sanguin va augmenter, puis très vite, votre insuline va réguler ce glucose sanguin et votre glycémie va revenir à la normale. Bah, ces xénopes-là ne sont plus capables de réguler le glucose ou le régulent beaucoup moins bien. Ils ont une stéatose hépatique, ils ont une activation de certains gènes qui sont impliqués dans les métabolismes lipidiques et glucidiques, et surtout ils ont une hypersécrétion d'insuline, donc nos xénopes sont prédiabétiques à l'âge adulte. Lorsque ces xénopes se reproduisent, la descendance met beaucoup plus de temps à arriver à la métamorphose, qui est une étape cruciale, le développement des amphibiens, et puis surtout les individus sont beaucoup plus petits et beaucoup moins gros. Déjà, on est les premiers à montrer qu'il y a un effet sur le métabolisme énergétique, sur le métabolisme en général. Et tout ça, ça pose d'énormes problèmes, puisque s'il y a un assèchement de la mare qui arrive précocement, si les amphibiens ne sont pas métamorphosés, tous les tétards meurent. Et puis s'ils sont plus petits ou moins lourds à la métamorphose, eh bien, ils ont plus de mal à se nourrir avec les proies qu'on trouve habituellement autour. En bref, la NASA a interrompu à la surprise générale son projet de rover lunaire. Et ce, malgré la volonté affichée à la fin de l'année dernière par Donald Trump de renvoyer des astronautes sur la Lune, et on en a parlé la semaine dernière. Et bien, la NASA a mis un terme à son unique programme de véhicule lunaire. Ce robot était baptisé RP. Sa construction avait débuté il y a 10 ans. Et il aurait dû être le seul au monde capable d'explorer les régions polaires de la Lune. Il a été le premier module lunaire américain depuis Apollo 17 en 72 et le premier véhicule autonome des États-Unis sur la Lune. Son lancement était prévu pour 2022. Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre petite rubrique de science improbable, eh bien, un panel de chercheurs de la NASA a précisément dévoilé quels étaient les films de science-fiction qu'ils estimaient être les plus et les moins réalistes. Et oui, alors c'est un petit pont intéressant vers l'émission que vous nous préparez. Alors parmi les films les plus aimés de ces chercheurs et de ces chercheuses surtout de la NASA, on trouve Seul sur Mars qui a parfaitement rempli sa mission. Le film de Ridley Scott, qui est clairement, on peut le dire, une déclaration d'amour à la NASA, est loué par les chercheurs pour sa précision scientifique. Pour sa culture de pommes de terre, peut-être. Pour sa culture de pommes de terre, ça c'est vous qui le dites. On a aussi Interstellar de Christopher Nolan, qui est salué grâce à une modélisation extrêmement réaliste, en tout cas grâce à ce qu'on sait de la structure d'un trou noir. Et on sait d'ailleurs que Christopher Nolan avait travaillé avec l'astrophysicien Kip Thorne pour préparer ce film. Et alors on a aussi Apollo 13, évidemment, qui peut trouver grâce aux yeux des chercheurs de la NASA, puisque le film retrace de la manière la plus fidèle possible, certaines fois d'ailleurs avec des enregistrements radio authentiques, la mission Apollo 13 et ses péripéties. Par contre, du côté des films que la NASA aime le moins, on retrouve alors peut-être sans surprise Armageddon, Mission to Mars ou Red Planet. Mais alors, surprise, même si elle l'avait dit déjà à l'époque, eh bien les chercheurs de la NASA n'aiment pas du tout Gravity, le film d'Alfonso Cuarón qui vous a pourtant fait rêver, Nicolas Martin. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et moi, nous aussi, vous y étiez avec eux. Eux, c'est donc Sandra Bullock et George Clooney qui se retrouvent propulsés hors de l'ISS après une pluie de météorites. Et alors, même si le film a beaucoup surpris par ses qualités, a beaucoup plu au grand public, eh bien les chercheurs de la NASA ne l'aime pas du tout. Elle cite notamment la facilité avec laquelle Sandra Bullock change d'orbite sans aucun problème, alors qu'en véritablement ça l'aurait vraiment posé. Et surtout le fait qu'elle porte de simples sous-vêtements très beaux, d'ailleurs un beige assez sobre, presque un côté Gap, alors que dans la vraie vie, les astronautes, portent des couches. Comment rebondir là-dessus en fait, je ne sais pas. C'est votre boulot, Nicolas Martin. J'aimais beaucoup Gravity au moment où je bloquais ma respiration. Je suffoquais presque au moment où elle arrive là. Nous suffoquions tous, mais dans oui. La capsule. François Angelier, c'est quoi votre film de science-fiction favori? Ah, moi, j'en suis resté Alien. La petite culotte de Sigourney Weaver étant mon sous-vêtement préféré de la science-fiction. Et Sigourney Weaver non plus ne porte pas de couche dans le Nostromo. Jacques Revisier, quel est votre film de science-fiction? Le film de science-fiction que vous estimez, vous qui avez été astronome. J'ai beaucoup aimé Seul sur Mars. Oui. Bien qu'il y ait quelques invraisemblances. Mais... La fameuse culture de pommes de terre, on revient au nom. Non, c'était bien, mais le problème, fermer une porte avec étanchéifier une porte avec un simple volet de polyéthylène. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, et vous, Laurence Sudret, quel est votre film de science-fiction favori? Oh, je ne vais pas être originale, puisque c'est le même que François Angelier. Moi, je suis restée sur Alien aussi. On a Alien à 3 voix contre 5. Mais je reviens, ça n'est pas à cause de la petite culotte de Sigourney Weaver. Le film a d'autres qualités, étonnamment. Merci beaucoup, Zoé, on vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Jules Verne est donc au programme de ce vendredi fiction, et plus précisément la science chez Jules Verne, où sa vision de la modernité, son rapport à l'anticipation et sa postérité, 190 ans après sa naissance. Nous en parlons donc avec Laurence Sudret, qui est professeur de lettres et secrétaire général du conseil d'administration de la société Jules Verne de Paris, Jacques Crovisier, qui est astronome retraité du Lésia à l'Observatoire de Paris, et François Angeli, producteur de Mauvais Genre et auteur du dictionnaire Jules Verne. Alors on va mettre tout de suite les choses au clair, hein, j'en parlais tout à l'heure dans l'introduction de cette émission. Jules Verne n'était pas scientifique pour un sou, il n'avait pour ainsi dire aucun attrait pour ce qu'on qualifierait aujourd'hui de science dure, François Angelier. Ah non, il n'était absolument pas scientifique, il a eu dès le départ un amour assez éperdu pour la littérature, et la littérature fantastique gothique. Ensuite, il était un fils d'avoué, donc son père l'a mis au droit, il a fait des études de droit à Paris, il a même été ensuite coulissier à la Bourse, donc on est bien loin du laboratoire, des observatoires et de la science. C'était un juriste peu fantaisiste, doublé d'un littéraire forcené, la suite l'a bien montré. Laurence Sudret, sur ce paradoxe en fait, hein, parce que beaucoup d'auteurs de science-fiction. Alors d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que Jules Verne est un auteur de science-fiction? Alors ça, c'est la grande question. C'est la grande question. De toute façon, dans chaque colloque, il y a toujours une conférence, enfin un article qui porte sur cette question. Après, la question est de savoir quel est le sens qu'on donne au mot science-fiction, puisque tout le monde n'est pas d'accord déjà là-dessus. À mon sens, non. Il y a quelques romans effectivement qui peuvent être rentrés dans cette catégorie, mais il y a tellement de romans. Parce que Jules Verne, c'est quand même Les Voyages extraordinaires, c'est énorme, ça fait 60 romans. Il y a quelques nouvelles, il y a des pièces de théâtre, puisqu'il a commencé effectivement dans la littérature par le théâtre. Donc, à mon sens, ce n'est pas un auteur de science-fiction. Mais il y a effectivement certains textes qui relève de la science-fiction. En particulier, le fameux duo des romans lunaires, comme on les appelle, c'est de la Terre à la Lune. Et autour de la Lune, oui. Jacques Crovisier, votre sentiment sur cette appartenance ou non au genre de la science-fiction? On classe plutôt les romans de Jules Verne dans la classe des romans scientifiques. Mais à mon avis, quelle est la différence entre un roman scientifique et un roman de science-fiction? La frontière est vraiment floue. C'est l'éditeur de Jules Verne, donc Pierre Jules Hetzel, qui lui a fixé dès le début une feuille de route. D'abord en refusant son premier roman d'anticipation qui était Paris au XXe siècle. Oui, qui est sorti en 80, dans les années 94. Ça a été perdu puis retrouvé. C'est une aventure rocambolesque que ce manuscrit. Donc Hetzel avait imposé à Jules Verne, pour des raisons commerciales évidemment, de faire des romans plus ou moins adaptés à la jeunesse, qui pouvaient être vendus comme des romans un petit peu didactiques, bien qu'ils ne soient pas didactiques. Et Jules Verne a fait ça pratiquement toute sa vie, bien que vers la fin, quand même, il s'est un peu orienté un petit peu plus vers le fantastique, et pour terminer quelquefois sur des romans qu'on pourrait classifier quand même comme des romans de science-fiction. La vocation scientifique de Jules Verne, c'est une vocation strictement éditoriale, François? C'est-à-dire que quand Hetzel rencontre Jules Verne en 1862, il le met tout de suite au travail, enfin, il le teste un peu. Jules Verne arrive avec un manuscrit sous le bras, Le Voyage en l'air, je crois, qui était la première formulation donc de 5 semaines en ballon. Et puis, il lui donne un cadre opérationnel extrêmement précis. Dumas avait fait l'histoire. Vous, mon bon, vous allez faire la géographie. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, la planisphère est étalée sur la table et Jules Verne va s'attaquer à chaque roman ou à chaque nouvelle, à un canton de l'univers, à un pays, à une zone, à un désert, à un espace maritime, voilà. Mmh. Donc le départ, c'est pas la science, c'est la géographie. Seulement, on est à l'époque où justement l'impérialisme de la carte et le triomphe de la science font que la science accélère la connaissance du terrain et de la géographie, que ce soit évidemment les aérostiers, puis tout ce qu'il va inventer, le chemin de fer et autres. Donc d'une certaine façon, la science arrive immédiatement après comme moteur du récit. C'est intéressant parce qu'on est dans la deuxième moitié du 19e siècle, on est précisément à la fin des grands voyages, des grandes explorations. On dit à cette époque-là que tout a été découvert sur la Terre, et vraiment Jules Verne va, comme vient de le dire François Angelier, procéder à une littérature de nouvelles explorations, découvrir de nouveaux espaces, au-dessus, en dessous, dans les airs, sous les mers. Il présente essentiellement des espaces qui sont déjà découverts, puisqu'il utilise les récits de voyage qui sont publiés dans Le Tour du Monde, qui est la revue de Charton à l'époque, et qu'il cite, hein, d'ailleurs. Il donne ses sources sans honte aucune. Ils disent qu'il utilise comme texte. Donc, il y a quelques, effectivement, romans qui présentent des territoires qui sont à découvrir, donc l'air et puis l'eau, même d'ailleurs l'espace assez peu. Alors que dans un de ses romans, il dit que l'homme ne peut pas franchir les limites de la Terre. Finalement, il en envoie quand même quelques-uns dans l'espace. Mais essentiellement, c'est vrai que ce sont des romans qui traitent de la géographie. C'est ce qui l'intéresse beaucoup. Et comme c'est un travailleur acharné et qu'il est curieux, parce qu'il n'est pas scientifique, mais il est quand même curieux de tout. Et je crois que c'est pour ça que ça a fonctionné. Parce qu'il a pris des milliers de notes de lecture sur tout ce qu'il découvrait dans toutes les revues qu'il lisait sur le cosmos, sur l'astronomie, sur toutes les sciences, et qu'il a réutilisé ensuite, après sans doute parce qu'aussi ça l'intéressait. Il y a une vraie curiosité malgré tout. Julien n'est pas scientifique, mais il dit, hein, il écrit dans mes romans, j'ai toujours fait en sorte d'appuyer mes prétendues inventions sur une base de faits réels et d'utiliser pour leur mise en œuvre des méthodes et des matériaux qui n'outrepassent pas les limites du savoir-faire et des connaissances contemporaines. Ça veut dire qu'il y a quand même une vraie curiosité sur l'état actuel de la science, de l'avancée. Tout à fait. De toute façon, la journée de Jules Verne, je passe sous le contrôle de madame, ça commençait le matin par l'écriture, je pense, oui. Et l'après-midi par la lecture. Il allait au cabinet de lecture d'Amiens, et là, on lui servait tout ce qui était disponible en matière de revues, de publications, de vulgarisation scientifique, dont c'était la grande époque. Et puis, pour ce qui est de la fantaisie, et un petit peu comme on commence un peu à délirer, là, Hetzel était là. Et Hetzel surveillait bien que, effectivement, on soit dans le merveilleux scientifique, une sorte d'anticipation, d'extrapolation scientifique, mais qu'à aucun moment on ne sombre dans le délire et la folie visionnaire. Donc, effectivement, Jules Verne a été toujours aux franges de la connaissance sérieuse et, je dirais, de la fantaisie savante. Jacques Revisier, ce qu'on entend, c'est que c'est une littérature sous contrainte, la littérature de Jules Verne ? Oui. Bon, est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Je ne sais pas, je vous le soumets. Il y a eu une interaction constante entre Jules Verne et son éditeur. Son éditeur lui tapait sur les doigts lorsque ça dérapait un petit peu. Bon, il y a en particulier cet exemple de roman Hector Sarvadac, où il avait envoyé ses héros sur une comète qui a fait le tour du système solaire en 2 ans, qui est revenu. Qui arrache un bout de la Terre, oui, avec ses habitants. Oui, oui, c'était assez difficile à croire. Alors, Hetzel n'a pas tellement bien apprécié. Jules Verne a été contraint de rajouter à la fin que le héros principal disait « Mettons que j'ai fait un rêve ». Donc il a dû s'en sortir par une pirouette. C'est ça, François Angelier, c'est-à-dire qu'on a tout... Vous pensez que Jules Verne avait une imagination plus fantastique que ce que sa littérature ne traduit, c'est-à-dire que... Ah, je pense, oui, parce que sinon il a recommencé tout de suite par la science. Jeune adolescent nantais, évidemment, il allait rêver en regardant les bateaux partir, parce que l'enfance de Verne, c'est une enfance à quai. Il ne montait pas sur les bateaux. À un moment, il essaye de monter, mais on le rattrape. Il rêvait sur des grands départs qu'il ne vivait pas. Et puis sinon, c'était le fantastique. Sa terre d'élection, c'était l'Écosse. Ses premiers voyages, ça a été l'Écosse. Donc, qui est le Walter Scott, qui est la terre des fantômes, des spectres. Et puis également, bon, un voyage aux États-Unis avec le Léviathan des mers, les chutes du Niagara et tout. Mais je pense que le fantastique est premier. Son premier texte, qui s'appelle, je crois, Un prêtre en 1800... Il y a un texte 34, d'adolescent... 34, 54, je ne sais plus. Voilà. Un roman gothique d'adolescent qui est totalement dans la logique du roman noir. Un prêtre en 1839. Voilà, un prêtre en 1839, qui est vraiment un pur roman fantastique gothique. Et à la fin, on aura des romans comme Le Château des Carpates, où là, évidemment, il y a tout un fonctionnement scientifique, mais il y a quand même un folklore fantastique extrêmement présent. Donc je crois que le fantastique était là pour inquiéter la vulgarisation scientifique. Et puis on oublie aussi souvent qu'il est l'auteur d'un essai sur Poe en 1864. Donc fasciné par Poe, oui, absolument. Il était très très admiratif. D'ailleurs, il a écrit un roman qui est une suite d'un roman de Poe. Lequel? Edgar Allan Poe avait écrit Les aventures d'Arthur Gordon Pym. Et Jules Verne lui a rendu hommage en écrivant Le Sphinx des Glaces, qui était la suite, justement, de ce roman. Il a écrit deux suites. Seconde Patrie, qui rendait hommage au Robinson suisse, puisqu'il était quand même très amoureux des histoires de Robinson. quand même. Et justement, celui-ci qui était une suite de Poe. Mais il était aussi, je reviens sur l'histoire du texte gothique, il était aussi très, très admiratif des textes d'Hoffmann. Et dans sa jeunesse, il avait écrit un texte, Maître Zacharius, voilà, qui était très, très étonnant et qui relevait aussi de cette imagination très particulière, complètement éloignée de la science-fiction de cet univers-là. C'est quoi l'argument de ce roman ? Maître Zacharius, ouais, en fait, c'est un horloger qui a inventé un procédé, un mécanisme d'horlogerie extrêmement précis, le plus précis qui soit. Et l'idée, c'est un petit peu comme dans un conte d'Hoffmann, que son mécanisme d'horlogerie se retrouve associé d'une certaine façon au battement de son cœur. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de lien qui se crée entre l'homme et la machine. Et la machine se détruisant, l'homme meurt. Il y a un qualificatif que j'aimerais vous soumettre, que vous connaissez certainement, de Michelet, qui disait de Jules Verne qu'il était un faiseur de monde. Ça résume tout à fait bien l'ampleur de son imaginaire, de son œuvre littéraire. Qu'en pensez-vous, Jacques Crevier ? Un faiseur de monde ? Oui, c'est... Non, ça n'a pas l'air de vous inspirer plus que ça. Ah, si, ça me rappelle peut-être un petit peu l'île mystérieuse où il reconstitue son monde, il reconstitue toute la science et la technique de l'époque à partir de rien. François Joliet, oui, effectivement, mais j'aime bien cette Michelet, idée. C'est intéressant, surtout. Quand Michelet parle, on écoute. On est bon, attentivement. Mais un faiseur de monde, pourquoi pas ? Parce que c'est aussi une époque où telle ou telle personnalité a toutes les emplacements du spectre politique à l'intention de refonder. Un peu, on refondait l'Allemagne, refondait la France à l'étranger, créer des colonies qui soient des espèces de néo-France ou néo-Germania, comme la sœur de Nietzsche, et là, sous l'obédience raciste. Mais il y a un peu ça chez Verne, c'est les personnages se trouvent face à une situation où ils sont absolument obligés de recréer la totalité de leur univers, c'est-à-dire à la fois sur le plan de la économique, sur le plan culturel, sur le plan de la survie à tout point de vue. Donc effectivement, c'est un recréateur de monde à ce niveau-là. C'est-à-dire que les gens sont contraints de refonder leur propre domaine. Laurence Sudray. Sur cette question-là, oui, non, en fait, j'étais en train de penser à Michelet, puisque je connaissais pas cette citation, mais elle est très très intéressante, d'autant plus que Jules Verne était lui-même un très grand admirateur de Michelet, et que 20 milieux sous les mers doit beaucoup à la mer de Michelet, justement. Entre autres, la fameuse scène qu'on lui a beaucoup reprochée concernant le massacre des cachalots, puisque lui qui vantait justement la sauvegarde des baleines, il y a une scène terrible dans laquelle le capitaine Nemo massacre tout un groupe de cachalots, et en fait, ça vient de la mer. C'est-à-dire qu'il avait fait confiance à Michelet et à ses dires, et il avait repris ça dans son propre roman. Concernant le monde, oui, mais on peut le rapprocher des questions de Robinsonade, chez Jules Verne. Il y en a tellement, tellement, que c'est à chaque fois justement cette question-là, c'est remettre en place un monde, recréer une société, c'est toujours un groupe. De toute façon, hein, Jules Verne, il n'y a pas l'homme isolé, c'est très rare, vraiment, c'est très exceptionnel, ça se termine toujours très mal. L'exemple le plus jusqu'au boutiste, c'est Ayrton, qui sombre dans la folie. Et pour Jules Verne, l'homme ne peut pas s'en sortir tout seul, il s'en sort forcément en société. C'est recréer un monde ou le redécouvrir et le réhabituer ou le réhabiter ou le fuir, comme évidemment dans l'un de ses plus célèbres romans, un des premiers voyages extraordinaires qu'il écrit, Voyage au centre de la Terre. Écoutez. À mesure que je... Les cristaux se forment fréquemment dans les cheminées des volcans. Cette cheminée peut nous mener à l'extérieur, pas vrai ? Uh-huh. C'est qu'on n'est pas très loin de la surface. Uh-huh. Vous avez entendu ? Que personne ne bouge. Dites-moi que ce n'est pas ce que je crois. De la muscovite. De la muscovite. C'est quoi ? La muscovite est une très fine formation de roche. Fine comment ? Eh bien, si fine que la moindre variation de pression peut causer une fissure. Et on est en plein dessus. Non, non, non, bouge pas. extrait du film d'Henry Levin de 1959 avec James Mason pour la deuxième fois dans un rôle vernien, puisque c'est le capitaine Nemo dans le film de Fleischer de 56. Vous disiez une épouvantable adaptation pour ce rôle. Ah oui, oui, c'est une hérésie totale, parce que d'abord, c'est comment dire, voyons, le centre de la Terre est basé sur un enjeu, c'est-à-dire la fiancée donc de Axel, je pense, j'ai pas d'erreur, se promet à lui s'il entre dans la terre dans la grotte du dragon, qu'il vainc le dragon et qu'il revient et dit après je serai ta femme. Donc il dit bien qu'après le voyage au centre de la Terre, la dame l'accompagne sous terre. Donc c'est déjà l'enjeu mythique est totalement cassé. Et puis bon, c'est vraiment très médiocre sur le plan de la réalisation. Vous partagez cet avis, Laurent Sudrey, Jacques Crevier, Laurent Sudrey? En grande partie, oui, d'autant plus que les personnages sont vraiment moins intéressants, puisque l'intérêt du professeur Lindenbrock dans le roman, c'est ce côté un peu farfelu, un peu perdu. C'est sûr que James Mason dans le roman n'est pas du tout la figure qui... Là, il y a une erreur de casting. Lindenbrock est un homme qui tire sur les feuilles des plantes pour qu'elles poussent plus vite, et quand il prend le train, il met son pied à l'extérieur pour accélérer la cadence du wagon. Alors, James Mason, c'est pas vraiment ça. James Mason, que la postérité retiendra pour un autre rôle, celui du capitaine Nemo. À mesure que je poursuivais le voyage, le Nautilus et ses moyens de propulsion excitaient de plus en plus ma curiosité. Répondant à l'invitation de mon hôte, je visitais le navire de fond en comble. Le capitaine Nemo paraissait décidé à tout me montrer. Nous nous rendîmes au cœur même du vaisseau, dans la chambre de chauffe. Il était évident que le capitaine Nemo avait découvert ce que les hommes cherchaient depuis toujours, le véritable pouvoir dynamique de l'univers. Ce secret à lui seul lui conférait la maîtrise des mers. C'est énorme, ça dépasse l'entendement. Comment un être a-t-il pu concevoir un tel navire et réussir à asservir une telle puissance qui dépasse les rêves des savants les plus hardis? Voyons, c'est un secret à révolutionner le monde. Ou à le détruire. Voyez comme tout respire la paix ici. La mer, c'est la grande vérité. La mer est le vaste réservoir de la nature que je sillonne à ma guise. Avec un détachement apparent, le capitaine Nemo détenait la clé de l'avenir du monde. À mesure que je l'étudiais, je prenais conscience que cet homme étrange était habité par des forces gigantesques. Voyez-vous, à la surface règne la terreur et la faim. Partout y règnent aussi l'iniquité et l'injustice. On se bat, on se dévore, on se taille en pièces. Mais à 20 pieds à peine sous la frange des vagues, le mal est noyé et son influence s'efface. Ici, au-dessous des flots, est la seule indépendance. J'y suis libre. Imaginez ce que l'homme ferait s'il contrôlait des machines telles que ce submersible. Il vaut mieux que l'on croit encore aux monstres qu'on chasse aux harpons. Extrait de 20 000 lieues sous les mers, l'adaptation de Richard Fleischer de 1956, qui est d'ailleurs le premier film en prise de vue réelle du studio Disney également. Un mot sur ce film qui a certainement beaucoup contribué à développer l'imaginaire vernien au XXe siècle, Laurence Sudrey. Ah, moi, je trouve que c'est une très bonne adaptation, personnellement. Je trouve que ça respecte beaucoup, d'abord, l'esprit du roman. Les personnages sont très bien. Alors là, il y a un très bon casting, en particulier avec le Peter Lorre qui jouait Conseil et qui était absolument excellent dans ce... Et je trouve que ça reprend tout à fait les dimensions du roman, c'est-à-dire le 20 milieux sous les mers, ça n'est pas seulement un roman scientifique, c'est un roman scientifique, mais c'est aussi un roman qui est un hommage à la nature, à l'eau, enfin à la mer, parce que ça, c'est quelque chose que Jules Verne adorait, et c'est un roman politique aussi, donc, et on retrouve toutes ces dimensions dans le film. Jacques Crevisier. D'abord, je voudrais souligner qu'il y a un problème avec le Nautilus. Il y a le problème de l'énergie. Comment marche le Nautilus? À l'électricité. Jules Verne fait tout marcher à l'électricité, avec des piles. Mais comment fait-il marcher ses piles? Apparemment, il ne change jamais ses piles. Jules Verne avait apparemment un problème avec les lois de conservation de l'énergie. Mais on dit qu'il n'était pas scientifique, néanmoins, c'est vrai qu'il a une conception quasiment magique de l'électricité. Oui, c'est un petit peu le mouvement perpétuel, si on veut. Mm. Alors, dans le film, ça a été résolu, enfin, on a suggéré une solution, c'est l'énergie atomique. On ne s'est pas dit explicitement, mais apparemment, le sous-marin marche à l'énergie atomique. Ce qui n'est évidemment pas le cas dans le roman. Un mot sur l'adaptation de Fleischer, François Julien ? Ah, moi, je trouve que c'est très réussi. C'était un des rares bons films verniens. On peut en citer d'autres, mais celui-là, il est vraiment à la fois un film populaire, première prise de vue réelle des studios Disney, vous l'avez dit. Le casting, tout à fait d'accord avec Laurence Sudray, entre Kirk Douglas, Peter Lorre, James Mason et Aaron Hax, donc tout cela est parfait. Et puis, on a bien cette dimension inquiétante, cette dimension à la fois confinée, un peu paranoïaque. Pourquoi ? Bah parce que Fleischer est un grand réalisateur de films noirs et de films de violence un peu hantés, comme ça. Donc, ça a réussi à placer tout cela dans le film. Non, c'est vraiment un très, très bon film. Et c'est pas évident, parce qu'effectivement, le personnage du capitaine Nemo, qu'on retrouvera dans L'île mystérieuse, est un personnage particulièrement sombre dans les romans de Jules Verne. L'interprétation qu'en fait James Mason dans un film qui est un film a priori pour enfants, est tout de même effectivement une interprétation ombrageuse et transpose quelque chose de cette inquiétante étrangeté qui habite ce feu intérieur qu'on entend et qui dévore cette colère qui dévore le capitaine Nemo. C'est une vraie réussite, le personnage du capitaine Nemo, parce que c'est en fait un personnage qui, du point de vue des idées et de l'histoire, est très proche d'un autre roman, enfin d'un autre personnage de Jules Verne qui s'appelait Nana Sahib, qui apparaissait dans La Maison à Vapeur. Et en fait, le personnage de Nana Sahib est extrêmement effrayant et très inquiétant, alors que ce sont quasiment les mêmes. Et il a réussi, avec le capitaine Nemo, à en faire non pas véritablement un héros sympathique en soi, mais pour lequel on a une empathie très forte, je trouve. Et on sent vraiment le poids du passé. Il a réussi, de ce point de vue-là, à le rendre extrêmement touchant par certains moments, sans qu'il soit véritablement attachant. Sur le fond. C'est une vraie réussite, mais c'est en plus un personnage un peu curieux, puisque au départ, ça devait être un révolté polonais, si je ne me trompe pas, et Hetzel lui a interdit de faire ça, parce que ça risquait de faire chuter les ventes en Russie, puisque c'était un Polonais en lutte contre la Russie, et comme Jules Verne se vendait bien en Russie, Hetzel sentait que ce serait vraiment catastrophique pour ses ventes. Donc, de Polonais, il est devenu Indien dans L'île mystérieuse. J'aimerais qu'on dise un mot aussi de ces machines qui marquent et qui ponctuent toute l'œuvre de Jules Verne, de ces machines comme le Nautilus, l'Albatros, le canon de Sans-Dessus-Dessous. Où est-ce qu'il va puiser, François Angelier, tout cet univers mécanique, puisqu'on entend bien, je le disais au tout début de cette émission, Jules Verne a une fascination totale pour la mécanique, pour la machine à vapeur, pour la machine monde. Et c'est une fascination extraordinairement précoce, puisqu'il raconte que, étant enfant, il y avait, non loin de la résidence secondaire de son père, de ses parents, près de Nantes, une fonderie, une usine où on travaillait les métaux. Et Verne, enfant, allait regarder, mais fasciné comme on peut l'être par la mer, ou par une chute d'eau, ou par l'éruption d'un volcan, allait regarder fonctionner le marteau-pilon et les machines. Donc déjà, à mon avis, quelque chose de tellement fasciné, mais sur le plan presque érotique, par les machines étant jeune. Et puis après, évidemment, il s'appuie sur tout le décollage technologique européen de l'époque, puisque tout a déjà plus ou moins été inventé. Le Nautilus n'est pas une découverte, tout ce qui a trait à l'électricité n'est pas une découverte. Donc il y a véritablement la manière, alors là c'est là où la fantaisie joue à plein, de reprendre tous les acquis technologiques de son époque et de les pousser, je dirais, jusqu'au bout. Et ce bout, c'est souvent la mort, puisque c'est là où on voit à quel point Jules Verne n'est pas un faustien, enfin n'est pas est un espèce de pas totalement prométhéen, c'est-à-dire qu'il considère que la technique, si on la laisse faire et si on la pousse au maximum, aboutit à la mort. Toutes les grandes machines verniennes finissent au ravin. Elles finissent dans la destruction et dans la casse. Il n'y en a pas une qui survit. C'est quand même un signe que, bon... et quand il parle de l'apocalypse et de la fin du monde, je crois, dans De la Terre à la Lune, quelle image il utilise ? C'est pas l'image biblique d'un grand raz-de-marée ou de météores, la pluie de feu, non. C'est simplement une chaudière qui exploserait parce qu'elle aurait été portée à son maximum d'intensité. Donc il y a à la fois un rapport fascinatoire, érotique et en même temps pessimiste et critique à l'égard de la technique. fascinatoire, érotique, pessimiste, c'est le lien entre Jules Verne et les machines. Vous validez cette vision de François Joliet, Laurent Sudret? Oui, mais pessimiste, en fait, c'est très compliqué avec Jules Verne, parce qu'il est à la fois optimiste et pessimiste. Donc, il faut en prendre les deux quand on parle de Jules Verne. C'est-à-dire que ça l'intéresse beaucoup, ce progrès. Il pense que c'est très important et que ça apportera beaucoup de bien. Mais en même temps, ce que disait le personnage là dans l'extrait du film qui vient de passer, se retrouve dans un des romans de Jules Verne avec Robure le Conquérant. C'est la seule machine qui n'est pas détruite, mais qui disparaît. L'Albatros. Parce qu'effectivement, elle disparaît. C'est un navire volant. Voilà. Robure refuse de le donner à l'humanité parce qu'il ne fait pas confiance à l'utilisation que les hommes pourraient en faire. Donc, il préfère repartir avec, en disant qu'il reviendra avec quand les hommes seront prêts. Mais, bon... C'est... Mais dans la suite de Robure le Conquérant, qui s'intitule Maître du Monde, oui. la fameuse machine que pilote donc Robure s'appelle l'Épouvante. Et c'est une machine qui va aussi bien sur terre, sous l'eau que dans les airs. C'est une machine totale. Et on voit très bien comment Verne en fait. Mais c'est déjà une machine, alors là, du coup, une machine de super-héros qui annonce véritablement la Batmobile et autres. La machine totale, c'est Lila Ellis aussi, Lila Ellis, la maison à vapeur, qui sont des machines, qui deviennent des machines mondes, en fait. Alors ça, c'est une machine qui aujourd'hui est totalement contemporaine, puisque beaucoup de chercheurs, de laboratoires, il y a énormément d'investissements qui sont faits sur les fameuses villes marines, les villes flottantes, les cités hors de la terre, comme ça, offshore, effectivement. Mais le problème, c'est que Verne, là aussi, son pessimisme ou son optimisme fort limité joue à plein, puisque c'est une île qui a été conçue et construite pour des milliardaires, qui sont d'un côté protestants, de l'autre catholiques, qui habitent sur cette île, qui se déplacent à la surface des mers pour être en permanence sous le soleil, donc terminé la froidure et tout ça, on est dans une espèce d'Éden artificiel, mais brusquement les querelles religieuses reviennent au premier plan et brusquement les deux moteurs qui meuvent cette île artificielle jouent en sens contraire et l'île explose, en plus il y a une attaque de sauvages, donc là on voit très bien que les Édens artificiels et les utopies sociales de Verne... Jacques Revisi, un mot sur ces machines-mondes, sur finalement le fait que ce regard techniciste que peut avoir Jules Verne, parce que là aussi, il crée des machines qui ne sont pas tout à fait invraisemblables selon les sciences de son époque. Son grand principe, c'est de partir de machines qui existent et d'augmenter leur capacité en multipliant leurs dimensions, leur poids, simplement en faisant des règles de trois. Quand on regarde le canon qui va propulser l'obus vers la Lune, il est parti d'un canon standard en multipliant par ce qu'il fallait pour que le boulet puisse acquérir la bonne vitesse en faisant la masse qu'il fallait simplement par des règles de trois. Sauf qu'on sait bien que les règles de trois, ça marche pas. ça, vous le savez parce que vous êtes un scientifique et un astronome. Peut-être un mot aussi, Jacques Revisier, de la vision de l'espace et de la conquête spatiale, si tant est qu'on puisse utiliser cette expression anachronique, de Verne. On est à la fin du 19e siècle, on a découvert Neptune, mais on n'en sait pas beaucoup plus que ça. On pense encore qu'il y a certainement du monde, peut-être pas sur la Lune, mais en tout cas sur Mars. Oui, c'est pas tellement ça qui l'intéresse, hein, Verne. C'est pas tellement les extraterrestres, c'est pas tellement la vie ailleurs. C'est plus l'espace comme un espace d'exploration. Il faut dire que Jules Verne admirait beaucoup un savant, François Arago. Mm-hmm. Pour lui, c'était son maître. Bon, il l'avait pas rencontré vraiment physiquement. Il l'a entrevu un jour à la Chambre des députés quand il est arrivé vers 1848 à Paris. Arago, qui était président de l'Observatoire de Paris. Qui dirigeait l'Observatoire de Paris et qui a rédigé l'astronomie populaire que Jules Verne a dévoré et dont il a repris des passages entiers qu'il a remis dans ses livres. Donc il est pas du tout parti de rien. Il faut dire aussi que Jules Verne a su s'entourer d'un certain nombre de conseillers qu'il a choisis parmi ses proches ou parmi sa famille. Et pour ce qui est de l'astronomie et de l'espace, il en avait un tout trouvé qui était son cousin, Henri Garcet, qui était professeur de mathématiques et qui avait rédigé un livre de cosmographie. Et il s'est longuement entretenu avec lui. Je pense que tout ce qu'il a mis dans ces deux romans lunaires proviennent de ses conversations avec Henri Garcet. Malheureusement, Henri Garcet est mort prématurément en 1871 et la collaboration a dû cesser. François Angelier, sur cette vision, cette conception de l'espace de Verne, qui encore une fois, il n'habite pas tellement cet espace, alors que c'était très en vogue à la fin du XIXe siècle d'imaginer des Martiens, d'imaginer des populations planétaires. C'est là où sa fantaisie apparaît la plus démente, parce qu'effectivement, il envoie des hommes donc de la Terre à la Lune, mais ils n'arrivent pas sur la Lune. Ils posent pas le pied sur la Lune. De tourner autour de la Lune. À un moment, ils ont un chien. Le chien meurt. Ils sont obligés de l'exfiltrer du wagon Pullman qui leur sert à aller sur la Lune. Et le chien continue à suivre le wagon, aspiré par l'énergie du wagon. Là, on voit le chien qui flotte dans les airs. À un moment, il y a aussi un phénomène de gaz hilarant, parce que pour respirer à l'intérieur du wagon, il faut bien un appareillage gazeux, mais cet appareillage se dérègle. Et donc, ils commencent tous à être pris de crise d'hilarité, d'une espèce de vertige et de fantaisie. Ils dansent comme ça à l'intérieur du wagon. Donc, c'est peut-être dans la dimension cosmique, le voyage interstellaire, que sa fantaisie apparaît la plus débridée et la plus délirante, et en même temps, la plus poétique, parce que notamment, je crois, autour de la Lune, sur laquelle ils ne se poseront pas, faut le redire, eh bien, il y a des moments absolument extraordinaires de poésie baudelairienne, c'est-à-dire nocturne, minérale, blême, un univers un peu à la Quirico, où il décrit la face cachée de la Lune, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment des grands moments de poésie vernienne. Mais je pense que le calcul de cosmologie, c'était vraiment pas trop son affaire. Néanmoins, il envisage l'apesanteur, alors que c'était une théorie encore à l'époque, hein, Jacques Crevisier. Oui, bon, il s'est un petit peu trompé. Il y avait l'histoire du point neutre où il se retrouve en apesanteur simplement quand il se retrouve au point neutre. Enfin, il y a quelques incohérences là-dessus. Laurence Sudrest, sur cette vision de l'espace finalement dépeuplé et cette absence d'interrogation ou d'imaginaire autour d'une vie extraterrestre. Ah non, mais je rejoins complètement François Angelier sur la question d'abord poétique, parce que je crois qu'effectivement c'est surtout pour Jules Verne un moyen de se faire plaisir et d'écrire, parce que ça reste quand même un écrivain, même si malheureusement il n'a pas été reconnu même de son vivant comme il l'aurait voulu. Mais je crois que c'est le François Angelier a bien insisté sur le fait que les voyageurs ne se posent pas sur la Lune, parce que beaucoup chez de Wells, personnes chez voilà Verne. Et mais je crois qu'en fait l'affiche du film de Méliès aussi y est pour beaucoup, parce que on songe souvent à l'image de la Lune qui a l'obus, voilà. Mais ça, en fait, c'est le film de Méliès s'adapte de l'opérette d'Offenbach, qui était une adaptation du roman de Jules Verne. Donc c'était déjà une adaptation d'adaptation. Donc, c'est très étonnant, je trouve, ces deux romans. Je trouve que le côté intelligent de Verne a justement été de ne pas se poser sur la Lune. Et je crois que c'est pour ça qu'on continue de le lire aujourd'hui, puisque tous ceux qui ont imaginé ce qui se passait sur la Lune ne sont plus lus. Tous ces romans-là ne sont plus lus. Ronny Aîné, je crois, avait imaginé un roman dans lequel, je crois, qu'il se posait sur Mars. C'est un roman qui a complètement disparu. On ne le lit plus du tout. C'est-à-dire que le Sélénite, comme on dit, l'habitant de la Lune, quand on l'imagine, alors on est obligé de rivaliser. Il y en a qui ont des trompes, des pseudopodes, des machins. Il y en a chez Méliès, par ailleurs. Voilà, Méliès, c'est présent. Le cinéma porte mieux ça. Chez Verne, c'est vrai que cette espèce de surface figée qu'il survole comme ça, c'est très fascinant, sans avoir tous les problèmes après de... Un mot peut-être avant justement de passer au cinéma et à la postérité de Verne, sur ce pessimisme et ce qu'on entendait tout à l'heure dans l'extrait de 20 000 lieues sous les mers, de cette préoccupation, c'est-à-dire cette injonction paradoxale entre une croyance absolue en le progrès, comme vous le disiez tout à l'heure, Laurence Sudrest, et en même temps un constat que, eh bien, finalement, l'homme dégrade la planète, ce sont les guerres, c'est la pollution qui revient souvent, et une sorte de crainte, de méfiance, de détestation de l'industrie, de la multiplication des manufactures méphitiques, et il le dit, c'est vraiment un thème qui le préoccupe. Alors, on ne va pas parler de préoccupation environnementale, ce serait vraiment complètement anachronique, mais néanmoins, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pas tant que ça. Il souligne dans plusieurs de ses romans l'action très négative de l'homme sur la planète à tout point de vue, même concernant les espèces qui commencent déjà à disparaître, les éléphants d'Afrique. Donc, il le souligne. Maintenant, c'est difficile de penser qu'il était véritablement inquiet de ça. Je pense que ça relevait plus du constat. Mais je trouve qu'il y a un roman qui montre bien justement ce paradoxe pour Jules Verne, qui est un roman qui n'est pas très apprécié en général, qui s'appelle Le phare du bout du monde. C'est-à-dire que c'est un roman qui montre bien, en fait, l'incroyable apport de la science avec cette construction du phare qui est censé protéger les bateaux, les aider à passer un cap dangereux. Il se trouve que le phare est pris d'assaut par des pirates qui vont l'éteindre et le phare devient donc dangereux. Puisque les capitaines qui passent à portée du phare lui font confiance et donc échouent et voilà, ça crée des catastrophes en nombre alors que c'était justement un outil qui était censé être utile. Donc je trouve qu'on retrouve bien justement dans ce roman les deux facettes de la question. Dans les Indes noires aussi, François Angelier, les mines de charbon qui vont s'épuiser. Alors ça, c'est encore plus extraordinaire, puisque c'est un détournement technologique de l'esthétique gothique. C'est-à-dire, au lieu de nous présenter un château en ruine, ou une montagne à Grest, enfin quelque chose qui un peu comme il y en a en Écosse, il commence par cette extraordinaire vision, tout à fait post-apocalyptique, d'un puits de mine, dont on considère que la mine a rendu tout ce qu'elle avait. Le filon est épuisé, donc les ingénieurs et les ouvriers, les mineurs ont déserté cette mine écossaise et elle a été rendue à la désolation. Et ça commence par la description de cette mine détruite, de ce carreau désolé dont il décrit les structures métalliques défaites, comme on décrirait le squelette d'un animal préhistorique. C'est un des très très beaux moments de Jules Verne, mais la poésie arrive après, puisqu'il y a quand même encore à l'intérieur de la mine, dans les profondeurs, une famille qui survit avec la fabuleuse invention de la petite Nell, la jeune fille qui vit quasi aveugle, la jeune fille blême, qui vit dans les profondeurs de la mine et qui est gardée par le harfang des neiges. C'est un très très beau roman. Et c'est un roman qui a été amputé par Hetzel, puisque Jules Verne avait beaucoup plus écrit. Oui. Mais à un moment, dans un passage, il était parti, justement, son esprit avait un peu vagabondé et Hetzel avait un peu rappelé à l'ordre et un grand passage quand même. Parce que Verne avait carrément recréé dans les profondeurs de la mine toute une civilisation, une sorte de nouvelle Angleterre, on revient au même thème. Et Hetzel a dit, bon, c'est peut-être un peu trop, vous allez en faire simplement une petite communauté. Et là, Hetzel a eu raison. Oui. Un mot pour conclure dans les dernières minutes de cette émission, un mot sur la postérité, a posteriori aussi, de façon très anachronique, dans les années 80, un genre littéraire est né qui se réfère énormément à Jules Verne, le steampunk, vous l'évoquiez tout à l'heure, François Angelier, le rétrofuturisme. Alors c'est évidemment impossible de dire que Jules Verne est le père du steampunk, puisqu'à l'époque c'est son actualité, ce serait anachronique, mais c'est un genre qui, du coup, a vraiment est un sous-genre aujourd'hui de la fantasy, à mi-chemin entre la fantasy et la science-fiction. Le steampunk est une esthétique qui est née aux États-Unis, qui traverse tous les genres, que ce soit le costume, le vêtement. Il y a des réunions, des congrès d'amateurs de steampunk. Il y a bien évidemment la littérature, la bande dessinée, la musique. Et puis très récemment, il y a véritablement une esthétique steampunk qui est basée sur l'utilisation virtuose du décorum vernien, c'est-à-dire les lunettes de soudeur, tout ce qui est en métal riveté, les dirigeables, les machines à vapeur. Et donc, effectivement, là, on a une postérité un peu imprévue de Jules Verne. Sinon, la postérité, entre guillemets, officielle, c'était bien sûr tout le merveilleux scientifique qui lui a succédé en France, notamment avec des gens comme Rony Aîné, Maurice Renard. C'est la projection vernienne, là. Sur la postérité immédiate de Verne, vous le disiez tout à l'heure, hein, Laurent Sudrey, Verne est relativement mal aimé, en tout cas lui, de son vivant. Alors, pas mal aimé, il n'a pas été reconnu comme il le souhaitait. C'est-à-dire qu'il a été adoré de son vivant. Oui, il a été traduit internationalement, oui, vraiment, de son vivant. Mais il avait espéré être reconnu comme un grand écrivain, comme un vrai littéraire, et il n'a jamais vraiment eu cette reconnaissance. Et malheureusement, je pense qu'en France, il ne l'a toujours pas. Pas vraiment. Il n'est toujours pas vraiment bienvenu dans les universités en France. Il n'est pas très bien regardé. On le regarde quand même. On a toujours cette idée quand même de l'auteur pour les jeunes, qui lui colle à la peau. Il est beaucoup plus apprécié à l'étranger. Il est adoré. Il y a des sociétés Jules Verne dans le monde entier, absolument. Et je lisais il n'y a pas très longtemps une interview, il y a quelque temps, une interview d'un auteur de science-fiction cubain qui disait qu'un de ses premiers souvenirs vraiment importants de lecture, c'était Jules Verne, alors qu'il l'avait probablement lu dans une très mauvaise traduction. Et c'est c'est absolument étonnant de voir l'impact que les romans de Jules Verne ont eu partout dans le monde. Vraiment, c'est un auteur international. Et en France, on le regarde quand même parfois avec un petit peu de... On entend souvent que ça n'est pas un grand écrivain, que c'est pas vraiment un auteur. Voilà, on le réduit, je trouve, beaucoup. Le programme de quatrième, me souffle-t-on dans l'oreillette ? Alors, il est vu, effectivement, de ce point de vue-là, sur certains passages, fantastique, science-fiction. Mais à l'université même, il y est rentré grâce à Simone Vierne, grâce à Jean Chéneau, grâce à ses grands pionniers. Mais on a encore du travail, je pense. Pour le considérer comme un auteur à part entière et pas un auteur jeunesse qu'on lit à l'adolescence, ou à la préadolescence et qu'on oublie après dans la bibliothèque. Ah oui, non, mais ça c'est un scandale. Parce que c'est vrai que, disait Laurence Sudray, quand on regarde, il y a un grand Vernien, Jean-Michel Margot, oui. Qui avait dressé la bibliographie des textes écrits sur Jules Verne. Alors c'est extraordinaire parce que on voit très bien que pendant toute sa vie, c'est quand même extrêmement limité et un peu tiède. Oui. Et que quand il décède en 1905, alors là c'est mondial, tout le monde se lève pour Jules Verne, il y a brusquement les courbes grimpent. Et le décollage, il y a la création de la Société Jules Verne, je crois que c'est dans les années 30, entre les deux guerres. Oui, oui, oui. Et le décollage universitaire, c'est simplement après 68, avec notamment, évidemment, vous avez cité les grands spécialistes, les Daniel Comper, les Jean Chéneau, oui. les Simone Vierne et tout oui. ça. Mais le grand livre de Michel Serres, Jouvence sur Jules Verne, formidable analyse, oui. Feuilletée comme ça, avec plusieurs axes de lecture de Jules Verne. Donc c'est vrai que ça n'a jamais été gagné d'avance. Aujourd'hui, il y a 4 tomes de la Pléiade pour Jules Verne, donc oui. ça montre bien qu'il Oui, ça, c'est la grande révolution. Voilà. Ça. Ah, vraiment, oui. Les quatre oui, des oui. Jules Verne en Pléiade. Ah oui, nous avons tous fêté ça, là, vraiment. Moi, il y a une postérité, vous me connaissez, François Angelier, que je trouve, que j'aime bien et dont on avait parlé ici dans d'autres émissions. Un lien, en tout cas, que je trouve plaisant à faire, c'est un lien entre Lovecraft et Jules Verne. Lovecraft a-t-il lu Jules Verne ? C'est une grande question. Et cette espèce de conception de l'espace lointain, de ces nouveaux espaces, qu'est-ce que vous en pensez ? Lovecraft, Jules Verne, je pense que dans la tératologie, là, l'espèce d'apparition du monstre effroyable, oui. Les montagnes hallucinées, mais, le voyage au centre oui, de la alors, Terre, on est sur les mêmes... Lovecraft, c'est qu'il invente son panthéon monstrueux et qu'il invente ses horreurs cosmiques à partir, enfin, avec sa propre culture personnelle. Alors que là, avec Hetzel, il est obligé de faire avec. Mais je crois qu'il y a dans cette espèce de noirceur qui s'étend aux limites du monde, quelque chose qui peut être Lovecraftien. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurence Sudray ? Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de Lovecraft. Jacques Revisier ? Je voudrais dire que si on se pose la question pourquoi Jules Verne a subsisté jusqu'à présent, ce n'est pas pour la science qu'il y a dans ses romans, qui, il faut bien le dire, est maintenant totalement dépassée, mais c'est pour la mise en scène de la science, et ce qui est parfaitement remarquable, et le fait pour lequel Jules Verne peut très bien être adapté au théâtre ou au cinéma, c'est les dialogues. Et les dialogues, ça provient du fait que Jules Verne était à l'origine était un homme de théâtre. Il n'a pas tellement bien réussi dans le théâtre. C'était sa première carrière. Mais ça subsiste dans ses romans, et c'est ça qui est absolument formidable, à mon avis. En un mot, si vous deviez conseiller un roman connu ou méconnu, celui qui vous semble important pour commencer ou pour redécouvrir Jules Verne, Laurence Sudray. Oh non, alors écoutez, je vais vous donner mon préféré. Alors, mais je vais vous le donner parce qu'il est tellement mal aimé que je vais le citer. Rien que pour ça, c'est Petit Bonhomme, qui est vraiment méprisé absolument. Voilà, le roman irlandais, on lui donne tous les qualificatifs, alors que c'est juste un très beau roman bien écrit. Jacques Revisier. Il y a un roman de Jules Verne qui n'est plus de Jules Verne, c'est La chasse aux météores, qui a été réécrit par son fils. Et qui est vraiment formidable. Mais je prêche un peu ma chapelle, puisque je suis astronome. François Geôlier. Oh, le château des Carpates. Le château des Carpates. Il y a à la fois une espèce de vision scientifique. C'est quand même là. Michel Serres dit que c'est le seul roman où Verne, véritablement, invente, prophétise quelqu'une découverte technologique. Et là, c'est la télévision. Donc, le château des Carpates, formidable roman fantastique, gothique, et en même temps, fiction scientifique très, très remarquable. Et vous vouliez signaler deux publications. Oui, alors, rapidement, aux éditions de Lerne, un inédit de Jules Verne, il y en a encore, écrit à 20 ans, La Pologne, donc, de Jules Verne, aux éditions de Lerne. Et puis, Malavida, qui a beaucoup fait pour Karel Zeman, le grand cinéaste adaptateur de Verne, et bien sûr, L'Arche de Monsieur Servadac, en DVD. Et là, il faut le voir. Merci à tous les trois. Merci Laurence Sudray. Merci Jacques Revisier. Merci François Angelier. Votre dictionnaire Jules Verne, on l'a compris, on le trouvera sur Le Bon Coin ou les sites d'enchères, puisqu'il n'est plus publié chez Pygmalion. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était toi, Edouard Rubinstein, à la technique aujourd'hui. Dans un instant, le magazine de la rédaction par Valérie Crova accueille des réfugiés, l'exception ougandaise. Tout à l'heure, le grain à moudre en direct du Bel Air à la Maison de la Radio marque ce 200 ans l'âge de raison. Pour ce qui nous concerne, la semaine prochaine, lundi, allergie cette saison. Mardi, trou de verre, on parlera du pont d'Einstein-Rosen. Mercredi, les micro-satellites. Jeudi, de Richard Feynman. Et vendredi, actu. Et puis demain à 16h, Étienne Klein dans la conversation scientifique recevra Pascal Ayoun. L'aventure, est-ce vraiment l'aventure? Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.